longer. Say my name. You can hack me, little sinner. There's no secret. I am standing right beyond ya. Won't escape. Well, I guess it's now or never. I'm on my way. We can go back and we can. Radio Dio 89.5 et radiodio.org. Au jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Néanmoins, afin de mettre un maximum de chances dans son camp, le joueur avisé aura tout intérêt à pratiquer de préférence ce sport délicat avec un imbécile. De 1980 à 1984, en quatre disques flamboyants, Iko and the Muddy Men va écrire une des plus belles pages du rock britannique. Robert Smith avait d'ailleurs dit que s'il n'était pas dans The Cure, il aurait aimé être dans Iko and the Muddy Men. Guitare grinçante, voix profonde et rauque, ligne de basse planante, mélodie en forme d'uppercut, la renommée du groupe originaire de Liverpool va traverser les océans. Incontestable favori de l'âge d'or New Wave, les Bunnymen, emmenés par l'éternel crâneur Ian McCulloch, ont discrètement bien vieilli, à l'abri de nos regards, parce que leur musique est clairement de celle qui n'offre pas de prise au temps. Samedi 28 février 2026, il est 13h04, on est un petit peu à la bourre ce matin. Et en tout cas, merci d'être à l'écoute de Radio Dio 89.5 FM dans la région de Saint-Étienne ou radiodio.org partout dans le monde connecté. Bonjour et bienvenue à bord de Roulette Russe, épisode 17, l'émission mensuelle de musique pas comme les autres. On est ensemble et en direct jusqu'à 14h et quelques minutes. Au programme aujourd'hui, nous écouterons dans le désordre The Frank and Walters, Giant Drag, The Charlatans, Lou Reed, Bill Pritchard, Nina Hagen, mais également le nouveau single de Kim Gordon et de N-House Collective. Et bien sûr, vous n'échapperez pas à la capsule Qualité France avec ce mois-ci Metro Verlaine et le groupe The Rodeo. Mais sans plus tarder, retrouvons Iko and the Muddy Men, figure de proue du vaisseau roulette russe, ce samedi matin. Armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Axel, est-ce qu'on peut décoller ? Nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent vol. Chopping block, chopping up my stopping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. And you sent love to win the bag of love. And you sent love to win the bag of love. When taking advantage of breaking the back of love. Breaking the back of love. Easier said than done. d'être à l'écoute de Roulette Russe sur le 89.5 de Radio Duo, The Back of Love, pour démarrer l'émission aujourd'hui. Le titre est extrait de Porcupine, troisième album d'Ico and the Bunnymen, en 1983. Il sera suivi l'année suivante de Ocean Rain, souvent cité comme leur disque référence. Ian McCulloch s'entoure d'un orchestre à neuf cordes, et procure des morceaux toujours aussi hantés, à l'instar de la pochette bleutée. Les Bunnymen sont sur la barque qui file sur l'eau dans une grotte mystérieuse. La symbiose parfaite entre pop baroque, psychédélisme et mélancolie new wave. Mais en 1987, Ian quitte ses camarades et 2 ans plus tard, publie Candleland, son premier album solo de fort belle facture. L'album Reverberation sera donc enregistré en 1990 sans son charismatique frontman, remplacé par Noel Burke, chanteur de Saint Vitus Dance, groupe méconnu originaire de Belfast. Ce dernier passera 3 ans à la tête des Bunnymen avant la dissolution officielle du groupe en 1992. Mais Nothing Lasts Forever, je traduis Rien ne dure éternellement, chante McCulloch avec lucidité. En effet, le guitariste Will Sergeant et Ian vont se retrouver pour convaincre Les Pattison, le bassiste, de les rejoindre pour relancer la carrière du groupe. En 1997, Evergreen sonne l'heure de la rédemption. L'album est unanimement encensé par les critiques comme par les fans de la première heure. S'en suivront Flowers en 2001, Siberia en 2005, The Fountain en 2009 et Météorite en 2014, où Ian met un point d'honneur à exorciser ses vieux démons, toujours avec cette même voix rauque et sublime. En 2018, le groupe fait revivre ses titres phares sur The Stars, The Ocean and The Moon, un album au parfum de nostalgie un peu trop affirmé à mon goût. Ajoutez à ça une dizaine d'albums live et autant de compilations. La dernière, datant de 2019, retrace les John Peel Sessions de 79 à 83. Ça fait beaucoup de dates tout ça, donc je vous propose une pause musicale et on va écouter un titre de l'album Siberia, publié en 2005. In the Margins, c'est son nom, résume assez bien une éthique défendue au canif depuis les années punk. Un refus des ronds de jambes, des compromissions, qui coûta très cher aux Bunnymen, mais qui permettra à Ian McCulloch de rester fidèle à sa morale et sa réputation de grande gueule. Ian, c'est l'anti-Bono. Il a la classe des grands seigneurs qui errent dans les marges. Ico and the Bunnymen, In the Margin, c'est une version Live Scissors, In the Sand, et c'est tout de suite dans Roulette Russe. Cheers. It's a new song called In the Margins. that's left of love. Turn me in, and it's sweet now. Il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. The only one I know. 13h20 sur le 895 de Radio Duo. À l'instant, The Only One I Know, cet extrait de Some Friendly, l'album, le premier album des Charlatans en 1990, un morceau que j'affectionne particulièrement, en pleine vague Britpop qui sévissait alors outre-Manche. Je cite Tim Burgess, le chanteur et guitariste du groupe originaire de Northwich. Nous avions tous à peu près une vingtaine d'années et nous ressentions un sentiment d'urgence. Nous étions convaincus que si nous n'arrivions pas à enregistrer un LP en quelques mois, tout allait s'arrêter. C'est sans doute pour cela que l'album possède cette fraîcheur et cette spontanéité qui font son charme. En tout cas, à cette époque, nous étions tout à fait conscients de notre place dans la hiérarchie locale. C'est toujours Tim Burgess qui parle. C'était très clair pour tout le monde, y compris pour les groupes de Manchester. The Stone Roses était tout en haut, Happy Mondays en deuxième, et nous, sur la troisième marche, devant Inspiral Carpets. C'était absolument incontestable. Et en même temps, ça n'avait pas une très grande importance, parce que nous étions déjà ravis d'exister dans notre propre petit monde. On va rester dans cette époque Britpop avec The Frankenwalters, un groupe qu'affectionne tout particulièrement Axel, notre technicien, que je salue au passage. Frankenwalters, quartet originaire de Cork, c'est sur l'île de la pluvieuse Irlande, et avec ses mélodies enjouées et sa dizaine d'albums qui comptent pas mal de pépites ornées de guitares cristallines qu'il est toujours très agréable de réécouter. Beau moment de nostalgie en perspective, j'avoue. Sans plus tarder, donc, retrouvons la voix chaleureuse et envoûtante de Paul Linehan sur le premier EP de The Frankenwalters en 1991. Michael, c'est le titre du single et c'est évidemment dans Roulette Russe sur Radio Duo. Nobody knows that you're there, my friend. Et voilà que la stéréo s'est arrêtée. Et pendant la courte pause avant le disque suivant, elle a lâché un feu d'artifice vocal. Freude, schöne Götter Funkentochter. Et j'ai cru un bref instant, ô mes frères, qu'un oiseau voltait dans ce milk bar. Präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schauf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Rund wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn er auch. À l'écoute de Roulette Russe sur Radio Dio. J'avais dit à Axel de laisser les gloussements, il n'y a pas d'autre mot, de Nina Hagen, et c'est moi qui parle dessus. Une claque, Thierry. À l'instant, donc, Natur Trainer, j'ai essayé de m'entraîner à la prononciation. Les larmes pures, ça veut dire. Et c'est l'opéra déjanté de Nina Hagen en 1978 sur son premier album, sobrement intitulé Nina Hagen Band. La prêtresse est née le 11 mars 1955 à Berlin-Est dans une famille d'intellectuels. Et la jeune Christina Hagen a 16 ans quand elle intègre un atelier de musique populaire. Après une formation de ballet et de chant d'opéra, sa vie bascule en 1976 lorsque sa famille se voit expulsée de la RDA pour critique de l'austérité communiste. Ils s'installent à Berlin-Ouest et Nina commence à voyager de Hambourg à Londres où elle fréquente le mouvement punk naissant. Elle publiera coup sur coup deux disques qui la transformeront en icône de cette nouvelle scène alternative avant la séparation du groupe en 1979. Nina part ensuite s'installer aux États-Unis où elle va mener une carrière solo aussi riche que variée, passant d'un album de chant indien au jazz, à l'indus metal ou au chant d'opéra. En 2022, Nina Hagen, toujours active, publiera Unity, son 14e album qui comprend des reprises de Sheryl Crow, de Bob Dylan et un duo avec Bob Geldof, l'ex Boomtown Rats. Toujours active musicalement, l'icône punk vient de dévoiler tout récemment Somebody Prayed For Me, un nouveau titre annonçant la sortie de son prochain album prévu pour le 27 mars prochain, c'est-à-dire dans un mois. On aura, alors je mets des gros guillemets, peut-être l'occasion d'en reparler ici, puisque mon partenaire derrière la vitre n'est pas fan de Nina Hagen. Nous allons poursuivre et rester en Allemagne d'une certaine façon, en écoutant un extrait de Berlin, si on veut, l'ambitieux et dépressif troisième album solo de l'irascible Lou Reed, qui, soit dit en passant, n'y a jamais mis les pieds, du moins pas en 1973, lorsqu'il donne à son nouvel album le nom de la capitale, meurtrie par la guerre froide et déchirée par le rideau de fer. L'accueil est glacial. Et devant ce double album, RCA, la maison de disques, est épouvantée. Du côté des journalistes et des critiques, la réception est tout aussi catastrophique. Dans une chronique du tout-puissant Rolling Stone magazine, devenu célèbre, Robert Christgau se fend d'une longue diatribe. Cet album sinistre, musicalement médiocre, est une offense. Il faudrait pouvoir se venger d'un tel disque, s'en prendre même physiquement à son auteur. Waouh ! En Angleterre, le Sounds Magazine qualifie Berlin, disque le plus déprimant de l'année. Ce n'est que plus que 35 ans plus tard, en décembre 2006, que Berlin sera joué pour la première fois sur scène au St. Anne's Opera House de Brooklyn. Entre-temps, la critique et le public ont fini par célébrer l'album, son propos et sa beauté, jusqu'à le considérer comme une œuvre majeure de son créateur et un véritable jalon de l'histoire du rock. Ça rejoint la discussion qu'on avait à l'instant en antenne, les classifications de meilleurs ou de moins bons albums des artistes. C'est très flou, très vague. En tout cas, je vous propose d'écouter un extrait de cet album. How Do You Think It Feels? C'est sur l'album Berlin en 1973. Lou Reed, c'est évidemment dans Roulette Russe sur Radio Dio. Thank you. 5 days come down, I'm hunting around always. Ooh, 'cause you're afraid of sleeping. How do you think it feels to feel like a wolf and foxy? How do you think it feels to always make love by proxy? How do you think it feels? And when do you think it stops? When do you think it stops? On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée! Thank you. 13h41, vous êtes sur la plus libre, sauvage et impertinente des radios de la grande métropole stéphanoise, Radio Dio 895 FM. À l'instant, l'ambiance indie accrocheuse de Sirens Call My Name, c'est sur le nouvel album de N-House Collective, littéralement collectif de poulaillers. Un projet collaboratif de 12 musiciennes et musiciens basés à Glasgow qui créent de la musique sans thème ni genre prédéfini. Par conséquent, les 9 titres de ce nouvel album baptisé The 12 explorent une incroyable variété de styles musicaux. Mais c'est bien plus qu'un album dont il s'agit. C'est un manifeste, celui d'une formation fondée sur une mission de représentation équitable au sein d'une industrie où seuls 15% des ingénieurs du son live et 12% des producteurs en studio sont des femmes. Alors quand l'écossaise Emma Pollock, ancienne membre fondatrice du groupe The Delgados, qui chante sur Sirens Call My Name, le titre que l'on vient de découvrir. Nous allons maintenant écouter une autre nouveauté, plus connu, pourrais-je dire. Il s'agit du dernier album, du dernier single, de l'ex Sonic Youth, Kim Gordon. Son prochain album, Play Me, paraîtra le 13 mars prochain. Et après une carrière solo de près de 40 ans, Kim, qui a fait des débuts inattendus en solo en 2019 avec le phénoménal No Home Record, un mélange de pop et d'expérimentation bouillonnante. À 72 ans, Kim Gordon est donc de retour cette année pour son 3e album solo et elle annonce que Play Me sera un témoignage des dommages collatéraux des milliardaires. J'explique. Une expression des conséquences que le mode de vie des plus riches a sur l'ensemble du reste de la population. Vous êtes prévenus. Je vous propose qu'on écoute de suite le single extrait de ce nouvel album, Not Today. Kim Gordon, c'est donc sur l'album Play Me qui sortira, je vous le rappelle, le 13 mars. Mais c'est déjà dans Roulette Russe. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement. Vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. vous avez l'estampille qualité France. Ah oui? h 50 minutes, vous êtes toujours en direct à l'écoute de Roulette Russe sur le 895 de Dio. Manchester, le groupe Métro Verlaine, qui est originaire d'Evreux, pour ouvrir la capsule Qualité France aujourd'hui. Le groupe est fondé en 2013 après un voyage à Londres qui a laissé des cicatrices et un sale goût de loose au fond de la gorge. Axel à la guitare et Raphaël au chant recrute un bassiste et un deuxième guitariste histoire de colorer un peu plus sa pop noire et publier son premier album Cut Up en 2018. Le groupe affine petit à petit son identité musicale post-punk inspirée par The Cure. Ce n'est pas pour rien que leur second disque s'intitule Funeral Party. Inspiré par The Cure, disais-je, Joy Division, le Velvet Underground ou plus récemment par les Liminianas. Pop Sauvage, leur troisième album, est sorti en 2024 et nul doute qu'avant d'aller crever à Manchester, Métro Verlaine a encore beaucoup de belles choses à nous faire entendre. La suite, on va passer à la deuxième sélection de la parenthèse Qualité France en écoutant The Rodeo, l'anagramme de Dorothée, la chanteuse compositrice du projet. Dorothée Hannequin, c'est son nom, s'affirme artiste multifacette et gracieuse héritière de la pop francophone la plus sophistiquée. Après Stérianthropie, Paradis, en 2018. La revoilà en 2023 avec Harlequin, son quatrième album, le deuxième chanté en français. Chanter dans sa langue maternelle, dit-elle, est une mise en danger. Je me suis retrouvé un peu à poil. Chaque mot doit être pesé. Je désirais faire une pop française avec les mêmes refs qu'une pop anglo-saxonne. J'aime m'amuser avec les mots, même les moins usités. Le français n'est pas une langue très pop. Par contre, elle est propice aux figures de style, comme on va le découvrir sans plus tarder. De la cité soleil à la vallée de Sidim, tant de mystères, t'es-tu perdu dans les abîmes ? The Rodeo dans Roulette Russe. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue dans la grâce ? On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Cette fois-ci, j'ai bien laissé la guitare noisy du duo de Los Angeles qui s'appelle Giant Drag. Le morceau cover de Wicked Games, le Chris Isaak cover, vous aviez reconnu, je pense, ce célèbre morceau du chanteur. C'est une réédition de leur premier album, je parle de Giant Drag. On va y arriver, le premier album Earths and Unicorns, publié en 2005. Bon, je vous raconte tout, en fait, j'étais encore en train de jacasser avec Axel quand il m'a dit « vas-y, ça démarre dans 20 secondes ». Et j'étais pas calé, quoi. Alors, selon la chanteuse Anna Hardy, reprenons nos esprits, c'est leur label qui avait décidé de rééditer l'album avec un titre bonus, donc la reprise de Wicked Games. L'histoire d'un amour impossible, hein, c'est le genre de morceau qui donne l'impression d'avoir été écrit un soir de solitude absolue. Alors évidemment, explique Hardy, la chanteuse de Giant Dry, cette reprise, on n'en voulait absolument pas. Et la suite est assez inattendue. Pour leur premier concert, le groupe va compléter ses sets avec le morceau d'Isaac. Et là, alors plus grande surprise, le titre sera accueilli avec enthousiasme par le public. Il faut dire, pour la petite anecdote, que même Chris Isaac n'y croyait pas du tout en 89. Le morceau devait même rester dans les tiroirs. Il n'aimait pas la guitare principale, ce son un peu planant qui aujourd'hui est devenu mythique. Ce riff qu'on reconnaît en 3 secondes, eh ben c'est même pas lui en fait. C'est James Calvin Wilsley, son guitariste. Et il faudra attendre l'année suivante et un certain David Lynch pour la sortir de l'ombre. Le réalisateur tombe amoureux du morceau et utilise dans son film Sailor et Lula, Palme d'Or, au Festival de Cannes. Belle revanche, en effet, sauf pour un homme, Wilsley, le guitariste, qui a créé la magie du morceau et qui n'a jamais été crédité comme auteur. Quand la chanson devient un tube, Isaac empoche presque tout. Wilsley, lui, ne reçoit qu'une petite part. Alors forcément, ça s'est mal fini entre eux. On va écouter maintenant un autre cover interprété par Bill Pritchard, chanteur anglais né dans les Midlands de l'ouest de l'Angleterre, qui, fin des années 80, passait son temps à Paris pour enregistrer des morceaux avec Daniel Darc, Étienne Dao, Françoise Hardy. Mais on va plutôt s'intéresser à l'une des plus belles reprises, à mon sens, de Leonard Cohen, avec le magnifique I'm Your Man, que l'on retrouve sur I'm Your Fan, à ne pas confondre, le tout aussi magnifique album hommage au chanteur canadien sorti donc la même année, en 91, et produit par le magazine français Les Inrecuptibles. I'm Your Man, donc Bill Pritchard, pour boucler Roulette Russe aujourd'hui. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, hold my hand. Strike me down in anger, here I stand. I'm your man. And if you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or only wanna take me for a ride, oh, you know you can. I'm your man. The moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. These promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. Oh, I'd call to you, baby, and I'd hold at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say please, I'm your man. Mm-hmm. asleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. Oh, if you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sign. Et bientôt 9 minutes. On est 13 à la bourre aujourd'hui, mais ça tombe bien parce qu'on n'a pas, vu notre ami Alpha pour la prochaine émission, donc on est un petit peu moins dans le speed. Ça m'ennuie de parler sur ce magnifique morceau, mais on appelle ça un tapis musical, donc c'est là pour meubler, dirais-je. En tout cas, voilà, Roulette Russe, l'émission de musique pas comme les autres, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà, j'ai pas vu passer l'heure. Un grand merci évidemment à Radio Dio pour cette irréductible volonté de rester libre, sauvage et impertinente. Par les temps qui courent, il faut garder la foi. Un grand merci à mon camarade derrière la vitre, Axel, le magicien qui dose à la technique. Je trouve que ça lui va bien ça, le magicien qui dose. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, qui avez suivi ce programme modeste, mais néanmoins génial. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Roulette Russe en podcast, soit sur radiodio.org dans quelques jours, mais également sur l'audioblog Arte Radio, c'est simple. Vous tapez Roulette Russe Radio Dio Saint-Etienne sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur un lien qui vous amènera sur l'audioblog des différentes émissions de Roulette Russe. Alors, en principe, dans quelques instants, vous devriez avoir rendez-vous avec Alpha, la voix de l'Afrique, comme chaque samedi aux alentours, aux environs de 14h. Mais on ne sait pas s'il est en vacances ou vous écouterez par vous-même. Bien, nous, on se retrouve comme d'habitude le quatrième samedi du mois. Plus précisément, le samedi 28 mars, voilà, 28 février, 28 mars, c'est facile à retenir. De 13h à 14h. On va vous laisser sur ce langoureux morceau, cette reprise dans le dernier album de Coins of Bandyman, Ocean Rain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien. Caresse et bise à l'œil. Take it on, sail into saddest shore. You're part of my heavy storm, harbors the blackest thought. Oh, at sea again, and now a hurricane. brought down this ocean ring to be us again. A ship's a sail, can you hear it? Tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath our waves, screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. Our hands on deck at dawn, sailing to shattered shore. You'll part my heavy storm, harbors the black cat's thoughts. Radio Dio, 89.5 FM.